الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد chers auditeurs, nous continuons la lecture et l'explication du livre intitulé آداب المشي إلى الصلاة écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi رحمه الله تعالى. Nous en sommes toujours au chapitre sur la description de la prière et nous avons vu dans le cours dernier les règles liées à la récitation de Surat al-Fatiha. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé les questions liées à la récitation après Surat al-Fatiha. Il a donc dit « ثُمَّ يَقْرَهُ الْبَسْمَلَ سِرَّا » Ensuite, il récite la basmala à voix basse. Donc il dit, après avoir récité Surat al-Fatiha, et avant d'entamer la lecture d'une autre sourate, il dit « Bismillahir Rahmanir Rahim » à voix basse. Et la preuve à ce sujet est venue dans le hadith de Anas que nous avons déjà mentionné concernant Surat al-Fatiha. De la même manière que la basmala n'est pas récitée à voix haute avant Surat al-Fatiha, elle n'est pas non plus récitée à voix haute avant les autres sourates que l'on récite en prière. Ensuite il dit « Rahimahullah »« ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً كَامِلَةً » Ensuite, il récite une sourate en entière. Et c'est cela qui est recommandé après la récitation de Surat al-Fatiha. De réciter une sourate en entière. Et ce, dans chaque unité de prière. Et on va voir dans la suite des paroles de l'auteur, rahimahullah ta'ala, ce qu'il convient de réciter comme sourate dans les différentes prières. Et il est permis aussi de partager une sourate entre les deux unités, en lisant une partie de la sourate dans la première unité et la suite dans la deuxième unité de prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيُجْزِئُ آيَة. Et il est valide et il est suffisant de réciter un verset. La sunna est de réciter une sourate complète, mais si après Surat al-Fatiha, tu ne récites qu'un verset du Qur'an, ceci est suffisant. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Et lisez ce qui vous est facilité du Qur'an, ce que vous pouvez du Qur'an. Donc il n'y a pas de gêne à ne réciter qu'un seul verset, tout en sachant que la récitation qui suit Surat al-Fatiha est recommandée et n'est pas obligatoire. Donc même si une personne ne venait à réciter que Surat al-Fatiha, ceci n'aurait aucune incidence sur la validité de sa prière. Sa prière est valide, Inch'Allah, car l'obligation est le pilier, la récitation de Surat al-Fatiha. Et la récitation qui vient après est seulement recommandée. Mais est-ce que, lorsqu'on dit que cela est recommandé, cela signifie que l'on doit pour autant délaisser cette récitation? La réponse est non. Il ne convient pas de délaisser cette récitation, et ceci est contraire à ce qui est venu dans la sunnah. Mais il est recommandé pour toi d'ajouter à Surat al-Fatiha une autre sourate. Et ceci est meilleur pour toi en termes de récompense, et tu suis en cela la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Donc lui, après Surat al-Fatiha, il récitait une sourate du Qur'an. Et le mieux, comme on a dit, est de réciter cette sourate en entière, ou dans une unité de prière, ou partagée en deux unités. Et si tu récites un seul verset, cela est suffisant. Mais le Cheikh rahimahullah ta'ala de nous dire illa anna Ahmad astahabba an takuna tawila. Toutefois, Ahmad, c'est-à-dire l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, a préféré, a recommandé que ce verset soit long. C'est-à-dire que si tu ne récites qu'un seul verset après Surat al-Fatiha, alors il convient que ce verset soit long, à l'exemple de Ayat al-Kursi. Et tout cela est recommandé. Ensuite, il dit rahimahullah فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الصَّلَةِ فَإِنْ شَاءَ جَهَرْ بِالْبَسْمَلَةِ وَإِنْ شَاءَ أَسَرْ Et s'il est en dehors de la prière, alors s'il veut, il dit la basmala, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute, et s'il veut, il le dit à voix basse. Donc le Cheikh rahimahullah, étant donné qu'il a abordé ici la question de la basmala, avant la récitation de la sourate du Qur'an qui suit, sourate al-Fatiha en prière. Et qu'il nous a dit que il est légiféré de réciter la basmala à voix basse. Il nous précise que ceci est dans la prière. Mais en dehors de la prière, lorsque tu récites le Coran, il est permis pour toi de réciter la basmala à voix haute et il n'y a pas de gêne en cela. Et tu as le choix entre le fait de la réciter à voix haute ou de la réciter à voix basse. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَتَكُونُ السُّورَةُ فِي الْفَجْرِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ. Et lors de la prière d'Al-Fajr, la sourate que tu vas réciter après sourate Al-Fatiha, il convient qu'elle fasse partie de ce que l'on appelle les longues sourates d'Al-Mufassal. Donc Al-Mufassal, c'est la dernière partie du Qur'an. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit وَأَوَّلُهُ قَافْ. Il commence par sourate Qaf. Donc à partir de sourate Qaf jusqu'à sourate An-Nas, c'est la partie que l'on appelle Al-Mufassal. Et les longues sourates du Mufassal, elles vont de sourate Qaf jusqu'à sourate Al-Mursalat. Ensuite, les sourates moyennes, c'est de sourate An-Naba jusqu'à sourate Ad-Duha. Et les courtes sourates, ce sont celles qui suivent jusqu'à sourate An-Nas. C'est ainsi que l'on partage les sourates d'Al-Mufassal. Donc il nous dit que la première sourate d'Al-Mufassal, c'est sourate Qaf. Et il dit, لِقَوْلِ أَوْسْ سَأَلْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَيْفَ يُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ. J'ai interrogé les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment partageaient-ils le Coran, c'est-à-dire pour leur récitation. Et beaucoup parmi eux avaient pour habitude de le réciter entièrement en une semaine. Donc Aws a demandé comment ils le partageaient. Et il dit « قَالُوا ثَلَاثًا وَخَمْسًا وَسَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَ عَشَرَ وَثَلَاثَ عَشَرَ وحزب المفصل واحد. Ils ont donc répondu qu'ils récitaient trois, c'est-à-dire trois sourates, le premier jour, puis cinq, le deuxième jour, puis sept, le troisième jour, puis neuf, le quatrième jour, puis onze, le cinquième jour, puis treize, le sixième jour, et le septième jour, le hizb al-mufassal, en une seule fois. Donc à partir de là, on peut déterminer à partir de quelle sourate commence Al-Mufassal, étant donné qu'il a mentionné trois sourates le premier jour, puis cinq, puis sept, puis neuf, puis onze, puis treize. Toutefois, les gens de science ont divergé concernant la première sourate du Mufassal. Est-ce que c'est sourate Qaf ou la sourate qui la précède, c'est-à-dire sourate Al-Hujurat? Et la raison de cette divergence est que certains ont compté la Fatiha dans les trois premières sourates qui sont lues le premier jour. Et d'autres ont dit, non, les trois premières sourates, c'est Al-Baqara, Ali Imran et An-Nisa. Donc ceux qui ont considéré que la première sourate, c'est sourate Al-Baqara, ils ont donc dit, la première sourate d'Al-Mufassal, c'est sourate Qaf. Et ceux qui ont dit que la première sourate est sourate Al-Fatiha, qu'elle est incluse dans ce partage, alors ils ont dit, la première sourate, c'est sourate Al-Hujurat, la première sourate d'Al-Mufassal. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on médite sur ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant sa récitation dans les prières, on voit que la majorité de ce qu'il récitait faisait partie de ces sourates d'Al-Mufassal. Donc durant la prière d'Al-Fajr, il est recommandé de prolonger la récitation et donc de lire des sourates longues parmi le Mufassal. Ensuite il dit, rahimahullah, وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَجْرِ مِنْ قِصَارِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ que safarin wa maralin wa nahwihima. Et il est détestable qu'il récite, durant la prière du Fajr, des sourates courtes du Mufassal, c'est-à-dire des sourates de Ad-Duha jusqu'à An-Nas. Cela est détestable. Sauf s'il a une excuse, comme le voyage, la maladie, ou autre chose semblable. En effet, il est confirmé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que durant un voyage, il a récité, pour la prière d'El Fajr, les deux sourates protectrices, c'est-à-dire sourate al-Falaq dans la première unité et sourate al-Nas dans la deuxième unité. Également, il est confirmé de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu que durant un voyage, il a récité durant la prière du Fajr sourate al-Fil dans la première unité et sourate Quraysh dans la deuxième unité. Il fait donc partie de la sunnah d'alléger la prière lors du voyage. et de ne pas la prolonger comme le fait le résident. Et ceci entre dans la généralité des facilités accordées aux voyageurs. Sa prière est donc allégée même en termes de récitation. Et de la même manière, il ne fait aucun doute que celui qui est malade, il se peut qu'il soit pour lui difficile de prolonger la récitation durant sa prière. Donc il sera excusé s'il allège sa prière et récite une courte sorate après sorate al-Fatiha durant la prière d'al-Fajr. Ensuite il dit « وَيَقْرَوْ فِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِسَارِهِ » Et durant la prière du Maghreb, il récite une des courtes sorates d'al-Mufassal. Donc une sorate parmi les sorates comprises entre al-Duha et al-Nas. « وَيَقْرَ فِيهَا بَعْضَ الْأَحْيَانِ مِنْ طِوَالِهِ » Et parfois, il peut réciter de longues sorates. لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف. En effet, il est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam que durant la prière du Maghrib, un jour il a récité surat al-A'raf. Et cela est venu dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Il n'y a donc pas de gêne de temps à autre à prolonger la récitation dans la prière du Maghrib. Mais la sunna est la base et ce qui est recommandé de manière générale est de réciter des courtes surates du Mufassal. Ensuite il dit rahimahullah « وَيَقْرَأُ فِي الْبَوَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ وَإِلَّا قَرَأَ بِأَقْصَرِ مِنْهُ » Et dans les autres prières, c'est-à-dire dans les prières à quatre unités, le Dhor, l'Asr et l'Isha, il récite des surates moyennes du Mufassal, donc comprises entre surat al-Naba et surat al-Duha. Sauf s'il a une excuse, comme on a vu durant le voyage, il va alléger sa prière. S'il est malade, il va alléger sa prière et autres situations semblables. Dans ce cas-là, il pourra lire une courte sourate du Mufassal. La preuve qu'il est légiféré de réciter dans ses prières des sourates moyennes d'El Mufassal, c'est ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet concernant sa récitation. Et on peut donner comme exemple le hadith de Mu'adh radiallahu anhu, qui avait pour habitude de prolonger longuement la récitation durant Salat al-Isha. Et un jeune homme s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté Mu'adh radiallahu anhu vers la récitation de surat comme surat al-A'la, surat al-Shams et surat al-Layl. Et ces trois surates font partie des surates moyennes d'Al-Mufassal. Donc en résumé, les prières à quatre unités, on récite des surates moyennes d'Al-Mufassal entre Al-Naba et Al-Duha. Surat al-Maghrib, on récite des courtes surates d'Al-Mufassal, des surates comprises entre Al-Duha et Al-Nas. Et surat al-Fajr, on récite des longues surates d'Al-Mufassal comprises entre Qaf et Al-Mursalat. Et cela est ce qui est recommandé. Et pour plus de détails à ce sujet, je vous renvoie au livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a mentionné les différents hadiths et les différentes sourates que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes prières. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit: "Wa la ba'sa bi jahri imra'atin fil jahriyya idha lam yasma'ha ajnabi." Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit: "Il n'y a pas de mal à ce qu'une femme récite à voix haute dans les prières à voix haute si aucun homme étranger ne l'entend." Donc il nous explique ici qu'il est permis pour la femme de réciter à voix haute dans les prières qui sont légiférées à voix haute, comme la prière du Fajr, la prière du Maghrib et la prière de l'Isha, ou la prière de nuit qui peut être accomplie à voix haute. Mais il a émis ici une condition. Il a dit « si aucun homme étranger ne l'entend ». Et ce car, même si l'on dit que la voix de la femme n'est pas une « aura », les gens de science sont unanimes pour dire que c'est une fitna, une source de tentation. Il lui convient donc de ne pas se faire entendre par les hommes étrangers dans la mesure du possible, et d'autant plus lorsqu'elle récite le Coran, qui est un moment où elle va faire en sorte d'enjoliver sa voix. Il ne convient donc pas qu'elle soit entendue par un homme étranger, car on craint que ceci soit une source de tentation pour ces hommes. Et les gens de science ont mentionné une preuve à ce sujet, une preuve très claire et explicite, qu'il convient à la femme de ne pas se faire entendre en présence d'hommes étrangers. Et la preuve qu'ils ont mentionnée, c'est que lorsque la femme est présente à la prière en commun et que l'imam fait une erreur, les hommes vont lui signaler cela par le tasbih en disant Subhanallah. Alors que la femme, elle va signaler cela en tapant des mains. Donc ceci nous démontre que cette simple parole Subhanallah, la femme ne la prononce pas en présence d'hommes étrangers. Elle ne fait donc pas entendre sa voix si ce n'est à ses maharim. Car sa voix peut être une source de tentation si elle est entendue par un homme étranger. Et le fait d'être épris par cela est une chose naturelle sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. C'est pour cela qu'on ferme cette porte et que la femme ne se fait pas entendre. Donc s'il en est ainsi concernant cette simple parole en prière, subhanallah, et la récitation de la femme qui est une adoration, que dire d'autres paroles qui pourraient être prononcées et qui bien souvent ne sont d'aucune utilité? À l'exemple des échanges entre hommes et femmes étrangers qui ne sont pas légiférés. Que dire de ces discussions qui sont tenues sur les réseaux sociaux ou à travers les moyens modernes de communication? Si la femme ne va pas dire subhanallah lors de la prière en commun pour ne pas se faire entendre par les hommes étrangers, pensez-vous que il sera permis pour elle d'aller échanger avec ces hommes étrangers sur les réseaux sociaux ou au téléphone? Il n'y a pas de doute que ceci est d'autant plus à éviter. Wallahu al-musta'an. Donc en résumé, si la femme est chez elle, qu'il n'y a personne parmi les hommes étrangers qui ne peuvent l'entendre, il est légiféré pour elle de réciter à voix haute comme les hommes. Mais si elle craint d'être entendue, s'il y a dans la demeure des hommes étrangers, et qu'elle craint que on ne l'entende réciter, alors elle favorisera la récitation à voix basse. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَالْمُتَنَفِّلُ فِي اللَّيْلِ يُرَاعِ الْمَصْلَحَةِ » Et celui qui fait des prières surrogatoires la nuit, il évaluera l'intérêt, c'est-à-dire dans le fait de choisir de réciter à voix haute ou à voix basse. فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ مَنْ يَتَأَذَّى بِجَهْرِي أَسَرْ S'il y a à côté de lui des gens à qui la récitation à voix haute va nuire, comme des gens qui essayent de dormir, ou des gens qui disent le Coran, ou qui sont en train de lire, ou autre chose semblable. S'il sait que sa récitation à voix haute va les gêner, alors il sera préférable pour lui de réciter à voix basse. وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُسْتَمَعُ لَهُ جَهَرْ Et s'il fait partie de ceux qui sont entendus, alors il récitera à voix haute. Si par exemple il accomplit cette prière de nuit en commun, qu'il y a des gens qui prient avec lui, il va réciter à voix haute. Ou alors, s'il y a des personnes qui ne prient pas forcément avec lui, mais qui l'écoutent réciter, qui suivent sa récitation. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à ce qu'il récite à voix haute. Il évaluera donc ce qui est le plus profitable entre le fait d'élever la voix ou de réciter à voix basse. Ensuite, il dit « وَإِنْ أَسَرَّ فِي جَهَرْ وَجَهَرَ فِي سِرْ بَنَا عَلَى قِرَاءَتِهِ » Donc l'auteur, rahimahullah, ici, il attire notre attention sur une question importante, qui est le fait que la récitation à voix haute ou à voix basse, c'est une chose qui est recommandée et non obligatoire. Donc si la personne se trompe, il nous dit qu'il récite à voix basse dans une prière légiférée à voix haute. Il accomplit la prière du Maghreb et il récite la Fatiha à voix basse. Il se trompe. Au cours de sa récitation, il se rend compte qu'il est en train de réciter à voix basse. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il recommence à voix haute la récitation de Surat al-Fatiha? Ou alors il continue la récitation là où il s'est arrêté? Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous dit, il continue là où il s'est arrêté. Car réciter à voix haute n'est pas une obligation. Donc si par exemple il a commencé à voix basse, il dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin ». À ce moment-là, il se rend compte qu'il récite à voix basse. Alors, il commence à élever la voix, il dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » et il continue à voix haute la récitation dans sa prière. Et de la même manière, s'il se trompe dans une prière à voix basse, il fait le takbir pour la prière de Dhuhr. Il prononce l'invocation d'ouverture, puis il commence à réciter Surat al-Fatiha à voix haute. Il se trompe. Alors dans cette situation, de la même manière, ce qu'il a récité à voix haute est compté et validé. Il continue de réciter. Il continue sa récitation à voix basse, là où il s'est arrêté. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَتَرْتِيبُ الْآيَاتِ وَاجِبُ » Et l'ordre dans les versets est obligatoire. لأنه بالنص, car ceci est venu dans les textes. Ceci est venu textuellement. Donc il n'est pas permis de réciter une sourate en mélangeant ces versets. Et de la même manière, on ne va pas réciter la fin d'une sourate dans la première unité et son début dans la deuxième unité. On récite les sourates dans l'ordre de leurs versets. Car l'ordre des versets est venu dans les textes. Il dit وَتَرْتِيبُ السُّوَرْ بِالِجْتِهَادِ لَا بِالنَّصِ فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. Quant à l'ordre des sourates, il a été fixé par effort de réflexion et non par les textes, selon l'avis de la majorité des savants. فَتَجُوزُ قِرَاءَةُ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ. Il est donc permis de réciter cette sourate avant celle-ci. N'est pas obligatoire de respecter l'ordre dans les sourates dans la récitation. Il dit, rahimahullah, وَلِهَذَا تَنَوَّعَتْ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ فِي كِتَابَتِهَا. Et c'est pour cela que l'on retrouve dans les masahif des compagnons, radiyallahu anhum, un ordre varié. Les sourates n'ont pas été écrites dans le même ordre, car ceci n'a pas été fixé par les textes. Donc à partir de là, il n'est pas obligatoire de respecter l'ordre des sourates. Si tu récites dans la première unité, surat al-Nas, et que tu récites dans la deuxième unité, surat al-Ikhlas, il n'y a pas de gêne en cela. La preuve à ce sujet, en plus de ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a un jour récité durant la prière de nuit, surat al-Baqarah, puis surat al-Nisa, puis surat Ali Imran. Il a donc fait précéder surat al-Nisa à surat Ali Imran, alors que dans le Mus'haf, c'est Ali Imran qui est avant surat al-Nisa. Donc ceci nous montre que l'ordre n'est pas obligatoire à respecter en ce qui concerne les sourates. Également, on a le hadith de ce compagnon qui, dans chaque unité de prière, récitait surat al-Ikhlas. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Il récitait surat al-Fatiha, puis il récitait surat al-Ikhlas, et ensuite il récitait une autre sourate. Et les gens de science ont dit, s'il récitait une autre sourate, et qu'il faisait tout le temps cela, forcément, il devait réciter certaines sourates qui se trouvent avant surat al-Ikhlas dans l'ordre du Mus'haf. Car après surat al-Ikhlas, il n'y a que Al-Falaq et An-Nas. Donc ceci nous montre que il est permis de réciter une sourate avant une autre, même si celle-ci se trouve après elle dans l'ordre du Mus'haf. Ceci est permis. Toutefois, les gens de science ont dit qu'étant donné que maintenant l'ordre est fixé dans le Mus'haf, le mieux et ce qu'il y a de préférable est de respecter l'ordre du Mus'haf. Mais cela n'est pas une obligation. Cela est recommandé de réciter selon l'ordre. Mais si on ne le fait pas, on ne commet aucun péché car cela est permis. Wallahu a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وَكَرِهَا أَحْمَدْ قِرَاءَةَ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِ وَالْإِدْغَامَ الْكَبِيرَ لِأَبِي عَمْرَ. Donc il nous mentionne ici certaines lectures que l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a réprouvées. Il a donc fait prévaloir certaines lectures sur d'autres. Et quoi qu'il en soit, ceci revient aux spécialistes en la matière. Quant à nous, la question qui peut nous intéresser ici est de savoir que si une personne connaît plusieurs manières de réciter le Coran, plusieurs lectures, et qu'elle connaît notamment une lecture qui n'est pas répandue chez les gens parmi qui elle se trouve, alors il ne lui convient pas de réciter d'après cette lecture, mais plutôt de réciter selon les lectures qui sont connues auprès des gens afin de ne pas les perturber. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْ كَرَفْعِ الْأَوَّلِ بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. Donc après la récitation, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, ensuite il lève ses mains, comme il l'a fait la première fois, c'est-à-dire comme il l'a fait pour le takbir de sacralisation, après avoir terminé la récitation. Et après avoir attendu un moment jusqu'à reprendre son souffle. Et il n'enchaîne pas et il ne lit pas entre la récitation et le takbir de l'inclination. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici, il va nous décrire l'inclination ruku'. Il commence par le fait qu'il est légiféré de lever les mains pour s'incliner. Mais avant de s'incliner et avant de lever les mains, il est légiféré de laisser un léger silence entre la récitation et le takbir. Un silence qu'on évalue au temps suffisant pour reprendre son souffle. Afin de ne pas lier le takbir à la récitation. Ceci est détestable. On voit parfois certains imams, à peine il a terminé le verset qu'il prononce Allahu Akbar. Et ceci est contraire à ce qui est préférable. Mais ce qui est préférable est de laisser un temps d'arrêt. De laisser un court silence. Il termine de réciter, il prend son souffle, puis il prononce le takbir. Et ce takbir, il va le prononcer en levant ses mains, de la même manière qu'il a fait pour le takbir de sacralisation. C'est-à-dire que il va mettre les paumes de ses mains en direction de la Qibla, que ses doigts seront tendus et serrés, et il va les lever à hauteur ou bien de ses épaules ou bien de ses oreilles, comme on l'a vu précédemment. Et parmi les points à souligner, il y a le fait qu'il dira Allahu Akbar pendant le changement de position. Non pas avant, non pas pendant que tu es debout, ni après, une fois que tu as atteint l'inclination. Mais ce takbir, il est appelé takbir ou l'intiqal, le takbir de changement de position. Donc il se fait pendant le changement, ni avant ni après. C'est donc une erreur de prononcer le takbir alors que tu es debout, ou d'attendre d'être incliné pour le prononcer. Mais il doit être prononcé pendant le changement de position. Ensuite il dit, فَيُكَبِّرْ وَيَضَعُ يَدَيْ مُفَرِّجَتَيْ الْأَصَابِعِ عَلَى رُكْبَتَيْ مُلْقِمًا كُلَّ يَدْ رُكْبَةً. Il prononce donc le takbir, il dit Allahu Akbar, puis il pose ses deux mains, les doigts écartés sur ses deux genoux, chaque main enveloppant un genou. La main droite sur le genou droit, tenant le genou, il l'empoigne, les doigts ouverts, et la main gauche sur le genou gauche, il l'empoigne, les doigts bien ouverts. Comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il s'inclinait, il posait ses mains sur ses genoux comme s'il les empoignait. Ceci fait donc partie des sunnans, des choses recommandées durant la prière. Ensuite il dit « وَيَمُدُّ ظَهَرَهُ مُسْتَوِيًا وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَهُ لَا يَرْفَعُهُ وَلَا يَخْفِضُهُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Ensuite il étend son dos bien droit et il aligne sa tête à son dos, sans la lever ni la baisser, comme cela est venu dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui est un hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah, dans lequel elle dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inclinait, il ne levait pas sa tête et ne la baissait, mais il la mettait entre ceci et cela, c'est-à-dire que sa tête était alignée à son dos. Ensuite il dit rahimahullah, « وَيُجَافِ مِرْفَقَيْ عَنْ جَمْبَيْ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدِ. Et il écarte ses coudes, ses avant-bras, de son flanc, comme cela est rapporté dans le hadith de Abu Humaid, qui nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inclinait, il ouvrait ses bras. C'est-à-dire que tes bras, tu ne vas pas les laisser coller à tes flancs, coller à tes hanches pendant l'inclination, mais tu vas les écarter, tu vas écarter tes coudes. Et ceci également fait partie de la sunnah. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ لِحَدِيثِ حُذَيْفَ رَوَاهُ مُسْلِمُ. Ensuite il dit, dans son inclination, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ, comme cela est venu dans le hadith de Hudhayfa rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Il est donc légiféré pour le prieur de dire durant l'inclination, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. Il est obligatoire de le prononcer au moins une fois. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَأَدْنَا الْكَمَالَ ثَلَاثِ. Et le minimum de la perfection est de le dire trois fois. C'est-à-dire de dire trois fois Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Ceci est le minimum de la perfection. L'imam At-Tirmidhi, rahimahullah, après avoir mentionné un hadith dans lequel il est rapporté le tasbih prononcé trois fois, il a dit, et c'est cela qui est mis en pratique chez les gens de science. Il recommande que l'homme ne fasse pas moins de trois tasbih dans son inclination et sa prosternation. Et on rapporte d'Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, qu'il a dit qu'il recommandait, qu'il aimait, que l'imam prononce le tasbih au moins cinq fois afin que ceux qui sont derrière lui puissent le prononcer trois fois. Car le minimum de la perfection est de le dire trois fois. Une fois, c'est une obligation. Trois fois, c'est le minimum de la perfection, c'est ce qui est recommandé. Puis il nous dit, وَأَعْلَاهُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ عَشَرًا. Et ce qu'il y a de plus haut concernant l'imam, c'est de le dire dix fois. سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ, tu peux le prononcer autant de fois que tu veux. Si tu pries seul, par exemple, et que tu es resté longuement en récitation debout en prière, tu as récité de très longues sourates, il sera légiféré pour toi de prolonger ton inclination proportionnellement à ta récitation. Et donc, il sera permis pour toi de répéter cette parole, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Mais il nous dit ici, concernant l'imam, que le mieux est qu'il ne dépasse pas 10 tasbih. Et ce, car il y a des gens derrière lui. Donc ceci est le plus à prononcer en ce qui concerne l'imam. Et autre que lui peut prononcer plus que cela. Et il n'y a pas de gêne, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَكَذَا حُكْمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فِي السُّجُودِ. Et il en est de même concernant سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى dans le sujoud, dans la prosternation. Donc tout ce qu'on vient de mentionner. Le minimum obligatoire, une fois. Le minimum de la perfection, trois fois. Et le mieux, et ce qu'il y a de plus haut, une dizaine de fois. Cela est valable pour سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ en inclination, mais aussi سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى en prosternation. La règle est la même. Et parmi les invocations rapportées aussi, authentiquement, et légiférées à dire durant la prosternation et durant l'inclination, il y a « Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli ». Tu peux prononcer cette parole aussi bien dans l'inclination que dans la prosternation, ce qui signifie « pureté à toi, ô Allah, notre Seigneur, et louange à toi, ô Allah, pardonne-moi ». Ceci fait partie des invocations qui sont légiférées durant l'inclination et la prosternation. Et Subhana Rabbi al-Azim, cela signifie pureté à Allah l'immense. Pureté à Allah, c'est-à-dire il est exempt de tout défaut. Et Subhana Rabbi al-A'la, pureté à Allah, le Très-Haut. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَلَا يَقْرَى فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِنَهْيِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ ذَلِكِ. Et il ne récite pas, c'est-à-dire il ne récite pas de Qur'an, dans l'inclination et dans la prosternation, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit cela. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, on m'a interdit de réciter le Coran en inclination et en prosternation. Durant l'inclination, proclamez l'immensité du Seigneur. Dites, Subhana Rabbi al-Azim. Et dans la prosternation, faites des efforts dans l'invocation, car vous êtes proche d'être exaucé. Il est donc recommandé pour le musulman, après avoir prononcé le tasbih légiféré en disant Subhana Rabbi al-A'la, de multiplier les invocations durant les prosternations. Ceci fait partie des moments propices à l'exaucement des invocations. Et c'est le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Il est donc recommandé, durant la prosternation, de multiplier les invocations. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَدَيْ كَرَفْعِ الْأَوَّلِ » Ensuite, il relève sa tête et il lève ses mains comme il l'a fait la première fois, toujours comme il l'a fait pendant le takbir de sacralisation, la description que l'on a rappelée il y a un instant. « قَائِلًا إِمَامٌ مُنْفَرِدٌ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وُجُوبًا » En disant, concernant l'imam et celui qui prie seul, « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » Allah entend celui qui le loue. Il nous dit que ceci est obligatoire pour l'imam et celui qui prie seul. « وَمَعْنَ سَمِعَ إِسْتَجَابَ » Et le sens de « سَمِعَ » ici, Allah entend, c'est-à-dire Allah exauce. Allah exauce celui qui le loue. Ensuite, il dit « فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا » قَالَ Et une fois qu'il sait, bien redressé qu'il est debout. Après, l'inclination. Il dit, Rabbana walakal hamd. Ô notre Seigneur, à toi, les louanges. Mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma'shi'ta min ba'd. Ô notre Seigneur, à toi les louanges. De quoi remplir les cieux, de quoi remplir la terre, et de quoi remplir ce que tu veux d'autre après cela. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, wa insha azad, et s'il veut, il ajoute, أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Tu mérites tout éloge, tu es digne de tout éloge et toute gloire. Ceci est la parole la plus digne que peut dire le serviteur et nous sommes tous tes serviteurs. Nul ne peut retenir ce que tu donnes et nul ne peut donner ce que tu as retenu. Et la richesse d'un homme ne lui est d'aucun profit contre toi. Donc ceci fait partie des invocations légiférées à prononcer après t'être redressé de l'inclination. Et ceci est légiféré aussi bien pour l'imam que celui qui prie seul, que celui qui prie derrière l'imam. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَلَهُ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا مِمَّا وَرَدْ » Et il peut dire autre parmi les invocations qui sont rapportées. « وَإِنْ شَاءَ قَالْ أَلَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ بِلَا وَوْ لِوُرُودِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ » Et s'il veut, il dit « أَلَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ » sans le « وَوْ » entre « رَبَّنَا » et « لَكَ » car cela est rapporté dans le hadith d'Abu Saïd et autres. Donc cette parole, il y a quatre manières de la prononcer. Ou bien tu dis « Allahumma Rabbana walaka alhamd » ou alors tu enlèves le « waw » et tu dis « Allahumma Rabbana laka alhamd » ou alors tu enlèves aussi « Allahumma » et tu dis « Rabbana walaka alhamd » et aussi tu peux le dire sans le « waw » « Rabbana laka alhamd » Ceci sont les quatre manières légiférées de prononcer cette invocation une fois que tu t'es redressé de l'inclination. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici, il nous a mentionné ces invocations à prononcer en se redressant de l'inclination, puis une fois redressé de l'inclination. Et il nous dit que la parole « Sami'Allahu liman hamida » elle est obligatoire pour l'imam et celui qui prie seul. Quant à celui qui prie derrière l'imam, il dira directement « Rabbana » et il ne dira pas « Sami'Allahu liman hamida ». Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, lorsque l'imam dit « Sami'Allahu liman hamida », dites « Rabbana walakal hamd ». Et ceci est l'avis de la majorité des gens de science. Et d'autres parmi les savants ont dit qu'il est légiféré aussi pour celui qui prie derrière l'imam de dire « Sami'Allahu liman hamida ». Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juste voulu dans ce hadith démontrer que celui qui prie derrière l'imam doit le suivre et ne doit pas le devancer. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il dit rahimahullah, فَإِنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامُ فِي هَذَا الرُّكُوعُ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِلْرَكَعَ. Si le fidèle rejoint l'imam durant l'inclination, il a alors atteint l'unité de prière. Donc ici, il évoque le cas de celui qui rejoint l'imam alors que ce dernier a déjà commencé la prière. Est-ce que l'unité qu'il va atteindre va être valide ou non? Elle sera valide et comptabilisée s'il rejoint l'imam avant l'inclination ou pendant l'inclination, c'est-à-dire s'il s'incline avec l'imam. Mais s'il rejoint l'imam après que celui-ci ait commencé à se relever de l'inclination, alors cette unité de prière ne sera pas comptabilisée. Mais il s'insère quand même en prière avec l'imam et il rattrapera cette unité qu'il a manquée. Ceci était donc les règles liées à l'inclination et au redressement après l'inclination. Et parmi les choses à souligner, que l'auteur, rahimahullah ta'ala, n'a pas mentionné ici, il y a le fait qu'il est obligatoire pour le prieur de marquer un temps d'arrêt dans ses positions. Aussi bien dans l'inclination que dans le redressement après l'inclination et toutes les autres positions de la prière faisant partie de ses piliers. Comme la prosternation, l'assise, entre les deux prosternations. Il est nécessaire de marquer un temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt s'évalue au temps nécessaire pour prononcer le dhikr, la formule de rappel, l'invocation légiférée. Donc ce temps sera au minimum durant l'inclination, le temps de dire Subhana Rabbiyal Azim. Durant le redressement, après l'inclination, le temps minimum de dire Rabbana Walakal Hamd. Et ainsi de suite. Et il faut faire attention à ne pas s'empresser. Il y a certaines personnes qui ne marquent pas de temps d'arrêt. Il n'est pas encore bien incliné, son dos n'est pas fini de se baisser, qu'il est déjà en train de dire Subhana Rabbiyal Azim, puis de se relever déjà. Et de la même manière, il dit Sami'Allahu liman hamida, puis il dit Rabbana walakal hamd, et il commence déjà à se baisser pour la prosternation. Et ceci est une grave erreur pouvant invalider la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, le pire voleur est celui qui vole de sa prière. Les compagnons lui dirent alors, et comment vole-t-il de sa prière? Il répondit, il ne fait pas convenablement l'inclination et la prosternation. Et dans un autre hadith, il a dit au sujet de celui qui ne reste pas suffisamment immobile pendant l'inclination et la prosternation, qu'il n'a pas accompli la prière. Qu'est-ce que cela signifie, il n'a pas accompli la prière? Cela signifie que sa prière n'est pas valide, car il n'a pas respecté les piliers de sa prière. Donc ça, c'est une chose importante à bien prendre en considération. Lorsque tu pries, tu es devant ton Seigneur, ne t'empresse pas. Chaque seconde que tu passes dans cette prière, tu es récompensé, tu te rapproches d'Allah. Pourquoi te précipiter? Pourquoi vouloir en finir? Qu'as-tu à faire de si important et de plus important que cette prière? Pour te précipiter. Il se peut que cette prière soit ta dernière prière. Qu'après celle-ci, tu ne puisses plus jamais reposer ton front au sol pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pense à cela. Et ne t'empresse pas. Et surtout, ne t'empresse pas au risque d'invalider ta prière. Puis de n'en récolter que la fatigue. Wallahu al-musta'an. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Également, parmi les questions que l'auteur rahimahullah ta'ala n'a pas mentionnées ici, il y a la question de l'emplacement des mains lors du redressement après l'inclination. On a vu que lors de la station debout, il est légiféré pour le prieur de mettre sa main droite sur sa main gauche et de les placer sur sa poitrine. Ceci lors de la première station debout pendant la récitation. Mais qu'en est-il après le redressement de l'inclination? Est-ce qu'il va remettre ses mains comme lors de la première station debout ou est-ce qu'il va les laisser le long du corps? Les gens de science ont divergé à ce sujet et les deux parties ont avancé certains arguments pour démontrer que ceci ou cela est légiféré. Mais en réalité, il n'y a aucune preuve authentique et explicite nous permettant de trancher sans aucun doute sur cette question. Et c'est pour cela que certains savants, comme l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, ont fait preuve de largesse à ce sujet et ont dit que le prieur a le choix entre faire ceci ou faire cela. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, il faut bien souligner que ceci n'est pas une question qui doit être source de discorde entre les musulmans. Celui qui considère qu'il est légiféré pour lui de remettre ses mains sur sa poitrine, il peut le faire et il a des savants qui l'ont devancé en cela. Et celui qui considère qu'il est légiféré pour lui de laisser ses mains le long du corps après s'être redressé de l'inclination, il peut le faire et il a des savants qui l'ont devancé en cela. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné la question de la prosternation et on verra cela dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.